Fatawa. Est-il mieux de prier les tarawih seul ou bien à la mosquée? Réponse de Cheikh Abou Mariam. Cheikh, est-il permis que je prie seul les prières de tarawih? Réponse. Cela t'est permis. C'est d'ailleurs encore mieux de prier seul dans ta maison, comme le faisait Omar, qu'Allah l'agré. Et Ibn Omar interdisait de prier ses prières en commun, car cela empêche les gens de réciter le Coran. Il disait de celui qui prie avec les gens, « Tu te tais comme un âne », c'est-à-dire tu écoutes l'imam sans réciter pour toi. Le meilleur, c'est que l'homme lise pour lui-même. Et la raison pour laquelle les gens furent invités à prier en groupe, c'est de peur que les gens délaissent la prière de la nuit lors du ramadan. Ibn Abi Shayba rapporte « Ceux qui ne priaient pas avec les gens lors du ramadan ». D'après Nafir, d'après Ibn Omar, il ne priait pas avec les gens le mois du ramadan. Et il disait « Salim et Qasim ne prient pas avec les gens ». Et Mujahid dit, un homme demanda à Ibn Omar, est-ce que je prie derrière l'imam le mois de Ramadan? Il dit, tu te tais comme si tu étais un âne. D'après Abi Hamza, d'après Ibrahim qui dit, si je ne connaissais qu'une ou deux sourates, je préférerais les répéter en priant seul que de prier derrière l'imam lors du mois de Ramadan. Est-il permis de prier les prières du Tarawih lorsqu'on est seul ou imam en lisant dans le Mus'haf, le Coran en livre? Ibn Qudama al-Maqdisi, rahmahullah, dit, Ahmed a dit, il n'y avait pas de mal à ce qu'il soit imam alors qu'il est en train de lire dans le livre du Coran. On lui a demandé, lors d'une prière obligatoire? Il répondit, non, je n'ai rien entendu à ce sujet. Le Qadi a dit, c'est détestable lors d'une prière obligatoire, mais il n'y a pas de mal dans les prières surrogatoires, s'il ne connaît pas par cœur. Mais s'il connaît par cœur, alors c'est aussi détestable. Et Ahmed fut interrogé concernant le fait d'être imam lors du ramadan et de lire à partir du livre du Coran. Il dit « C'est permis s'il en éprouve la nécessité » rapporté par Ali ibn Sa'id, Salah et ibn Mansour. Et il fut rapporté d'après ibn Hamid qu'il n'y a aucune différence entre la prière surrogatoire et la prière obligatoire. La preuve que c'est permis est ce que rapportent Abu Bakr al-Atram et Ibn Abi Daoud d'après Aïcha Kalalagré, qu'elle avait désigné un de ses serviteurs comme imam qui lisait dans le livre du Coran lors de la prière. Et Az-Zuhri fut interrogé concernant un homme qui lisait dans le livre du Coran lors du ramadan. Il répondit, les meilleurs d'entre nous lisaient dans le livre du Coran. Cela fut rapporté aussi de la part de Atta, Yahya et Ansari al-Hassan et de Mohammed lors des prières surrogatoires, voire Al-Mourni, tome 1, page 648. Al-Nawawi, rahmahullah, dit, s'il lit le Coran à partir du livre, cela ne fait pas de mal. S'il connaît ce qu'il lit par cœur ou non, il lui est même obligatoire de le faire s'il ne connaît pas la Fatiha par cœur, comme nous l'avons précédemment vu. Et s'il tourne les pages de temps en temps, cela ne fait pas de mal non plus. Voir Rabdat al-Talibin 1, numéro 294.